En Corée, les 4 compétitions sportives du domaine sanitaire sont clôturées. Dans les compétitions déroulées en 2 catégories, l'hôpital de l'École supérieure de médecine de Pyongyang de l'Université Kim Il-sung et l'Académie des sciences médicales coréotes se sont classés respectivement premiers. La cérémonie de clôture a eu lieu le 2 septembre au Palais des sports de Pyongyang en présence de Cho Tae-bok, vice-président du comité central du Parti du travail de Corée, des cadres du domaine intéressé, des joueurs et cadres du domaine sanitaire, ainsi que du personnel enseignant et administratif et des étudiants de l'École supérieure de médecine de Pyongyang de l'Université Kim Il-sung.